Nzete na lona boni e botambu mate otie. Anga yo mwana mama badwe. Anga yo mwana mama abiswa sude. Anga yo mwana mama papa zorae. Koko tina ngatango e mwota. Wese kwe, wese kwe. Mariana mama, angana lulio, kanga motema mama, koela mbangute. Mama Mariana mama, angana lulio, kanga motema mama, koela mbangute. masoyo Adembeli na motema nanga Amone linga mingi mbabe Azuye sika monene na motema nanga Nanu apesi na reponse te Kaimo balie Zambe compliqué, monta copesa monte monta la yepa, so qui a pesi mo congo comi boule verse aussi lisi maloba, ame mini nina monte mananga, désiré salite. Kobi mana basusu akoya ko pesa nga ba raison kama abotolinga phenomene nga ko agi onini mokianza me compliqué moto ko pesa monte monta la yepa so ki a pesi moko moko mi boule verse aussi ici maloba Ame mini nina motema nanga, plaisir et salite. Sina mole mana komi kolo dalilita Soki na sala atakake Soki na sala atamuma Soki na sala ataedigwe Tuna e, tuna e, tuna Tuna e, nadidu Tuna La pagaille, Benzita Lutete. Camarade Oyo, Kachalina Sadisi, après ma police, vie changeante, comme une mode, si comme maman, dans mon bisou, tout est cacaba, mon bazar, kawaké, comme ma colombana, babotamina, dite, allez, à maman. Camarade Oyo, Kachalina Sadisi, après ma polissama, vie change en angoto, comme une amande si kao mama, dans mon biso, sauté kakaba, mon bazala kawake, comme une colombana, babotamina reta, vite, alléluia, à mama. Opposition dengue. Chalie, mama, si mama, naipena si mama, douza la mama, maloba ya pepeye, koyo kateo, bako luka baba, zabiso, asetela. Mama, I am the one who Okay. Hey! Zanakis, tu comme ma daddy, Zanakis, tu comme ma diva, Zanakis.